Ferme donc la fenêtre, Gagne. Cette musique me porte sur les nerfs. Et vous, Hippolyte, cessez d'ergloter. Enfin, n'avez-vous pas honte? Je vous prie de ne pas poursuivre cette explication sotte et inutile. Pour vous faire plaisir, je suis prêt à abréger, mais seulement à abréger. Car une explication même sotte est devenue nécessaire entre votre frère et moi. Vous n'êtes qu'un sale colporteur de ragots. Il me répugne de vous adresser la parole. C'est pourquoi... Je constate que vous n'êtes pas maître de vous. Et je vous pardonne cet écart de langage. Cependant, je ne sortirai pas d'ici avant de vous avoir dit ce que je pense de vous. Encore une fois, je vous prie, Hippolyte, de ne pas vous quereller avec mon frère. Cela m'est impossible. J'en suis le premier désolé. Écoutez, Gabriel Ardalionitch, vous m'avez invité ici chez votre sœur, dans le but, comment dirais-je, de me prendre dans vos filets. Vous comptiez sur le désir que j'avais de me venger de la bonté offensante pour moi du prince Mishkin. Et vous espériez que j'allais adopter vos intérêts et que je plaiderais votre cause auprès d'Aglaï Ivanovna, la fille cadette de la générale Yepanchine. Vous pensez ainsi, je ne dirai rien de plus. Je n'ai pas besoin de vos aveux. Le fait de vous laisser seul avec votre conscience me suffit. Enfin, voyons, Hippolyte, pourquoi voulez-vous à tout prix blesser mon frère? Il ne s'agit pas de cela. Je veux seulement mettre les points sur les i. Je poursuis donc. Certes, je ne puis ni aimer ni estimer le prince Mishkin, mais d'un autre côté, je n'ai aucune raison de le haïr. Eh bien, ce préambule est inutile, Hippolyte. Allez, droit au but. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. Lorsque votre frère a voulu m'exciter contre le prince, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je comptais pouvoir rire lors du dénouement de cette petite comédie. Oui, je savais que votre frère allait commettre une gaffe énorme. Et c'est ce qui est arrivé. Vous êtes un malfaiteur public, monsieur Hippolyte. C'est à cause de vous, je veux dire, de vos pareils, les nihilistes, que les affaires de la Russie vont si mal. Avec vos calomnies et vos pleurnicheries, vous enlevez au peuple russe tout espoir, tout enthousiasme. Vous croyez, Gabriel Ardalionitch? C'est possible. Il est possible que notre désenchantement soit nuisible à la Russie, mais la question n'est pas là. La question est... Non. Je vais vous dire cela autrement. Je vous déteste, Gabriel Ardalionitch. Je serais heureux si, avant de m'en aller au paradis ou en enfer, je réussissais à vous tourner en ridicule. Oui, je vous déteste et je vous méprise. Vos insultes me laissent froid, monsieur. Et votre ressentiment envers moi me confirme dans mon idée... Quelle idée, je vous prie? Que vous êtes un raté et que la rancune vous étouffe. Oh, assez, Gabriel, assez. Ne t'abaisse pas à lui répondre. C'est juste, Gabriel Ardalionitch. Mais si je suis un raté... C'est surtout parce que mes jours sont comptés. Il est bien dur de mourir à mon âge. Non. Ne croyez pas que je vous en veuille parce que vous continuerez à vivre après ma mort, cela m'indiffère. Je vous déteste uniquement parce que vous êtes pour moi la personnification de la médiocrité elle-même, d'une médiocrité impertinente, suffisante, triviale. En voilà assez, Hippolyte. Nous vous avons recueilli chez nous par pitié, monsieur Hippolyte. Nous ne vous demandons pas d'avoir de la reconnaissance, mais seulement un peu de retenue. Quant au fait que vous devez mourir dans quelques mois ou dans quelques semaines, nous n'y pouvons rien. Alors, cessez d'injurier et d'accabler Gabriel Ardalionitch, bon ou mauvais, il est le frère de ma femme, Varvara Ardalionovna. En effet, Gabriel Ardalionitch est votre beau-frère, je n'y pensais plus. Monsieur Titzin, vous faites de l'usure, n'est-ce pas? Alors, cela vous regarde, sale moribond? En vérité, non. Si je vous rappelle les sources de votre fortune, c'est pour vous inviter à la pudeur. Vous m'avez offert l'hospitalité uniquement pour vous racheter aux yeux des gens qui vous entourent, à vos propres yeux également. Par conséquent, je ne me considère point comme votre obligé, au contraire. Je cherche à comprendre, Hippolyte. Je me mets à votre place. Oh, mais non, décidément non, je ne réussis pas à saisir les raisons qui vous poussent à nous outrager tous. Et j'en conclus à mon grand regret que vous êtes un ingrat et un envieux, tout simplement. C'est fort possible. Mais cela n'empêche que votre frère soit la personnification de la médiocrité elle-même. Oui, cher Gabriel Ardalionitch, vous n'avez et vous n'aurez jamais la moindre idée personnelle. Enfin, c'est intolérable. Allez-vous finir, Hippolyte. Et je vous prédis, Gabriel Ardalionitch, que vous n'arriverez jamais à mettre le grappin sur la personne que vous savez. Gabriel Ardalionitch, à ces mots, pâlit. Puis il se mit à trembler. Hippolyte fixait d'un regard méprisant son adversaire et jouissait visiblement de son embarras. Mais tout à coup, il tourna les talons et, sans prendre congé de personne, se dirigea vers la sortie. Varvara Ardalionovna ne bougea pas de sa place. Il n'osait plus adresser la parole à son frère, de peur de le blesser davantage. Mais ce dernier, après avoir frotté un moment ses mains l'une contre l'autre, se tourna vers elle l'air triomphant. « Et maintenant parlons de choses sérieuses, Varvara. Mais d'abord, lis, s'il te plaît, ce billet que je viens de recevoir d'Aglaï Ivanovna. » Mon Dieu, tu as reçu un billet d'Aglaé Ivanovna, mais c'est pas possible. Ah, tu crois? Eh bien, voici le billet en question. Lis-le, je te prie. Ah oui, c'est bien son écriture. Enfin, que peut-elle te dire, elle qui t'a ignoré complètement depuis 6 mois? Gabriel Ardalionitch, m'étant rendu compte de votre bienveillance à mon égard, je me permets de vous demander conseil pour une affaire que je considère comme très importante. Je voudrais vous rencontrer à 7 heures du matin, près du banc vert, dans le parc. Demandez à votre sœur Varvara de vous accompagner. Elle connaît très bien l'endroit. Ah, ça, par exemple! Qui t'a remis ce billet, Gagne? Peu importe ce qu'il l'a apporté, ma chère sœur. L'essentiel, c'est qu'il me soit parvenu. Ou plutôt, qu'Aglaé Ivanovna l'ait écrit. Eh bien, je te félicite, Gagne. Tu peux le faire, évidemment. Remarque que ces avances s'inscrivent dans l'ordre normal des choses. Gabriel Ardalionitch voulait se montrer détaché, indifférent même. Cependant, il ne put dissimuler son triomphe. Surtout après les prévisions humiliantes d'Hippolyte. Varvara Ardalionovna elle-même rayonnait de joie. Et tu reçois ce billet le jour même où on doit annoncer ses fiançailles avec le prince Michkine. En effet. À ton avis, Varvara, de quoi m'entretiendra-t-elle demain? Ah, je ne sais pas. Aglaé Ivanovna est si capricieuse, si fantasque. Ce que je trouve de bon augure, c'est qu'elle a exprimé le désir de te voir pour la première fois depuis 6 mois. Écoute, Dania, quoi qu'il arrive, quelque tournure que prennent les choses, sache que c'est important, très important même. Ne fais pas le fier comme autrefois et ne rate pas cette affaire, m'entends-tu? Je t'entends, Varvara. Je ne laisserai pas passer cette dernière chance, tu peux me croire. Mais surveille-toi. À aucun moment, tu ne dois avoir l'air surpris. Tu comprends? Oui. Autrement dit, je dois avoir l'air d'un homme sûr de lui et de son affaire. Oh mon Dieu, quand je pense que 6 mois durant, je me suis traînée chez les Yepanchin et que j'ai pris des tacos auprès de cette Aglaé Ivanovna qui me regardait avec commisération. Mais c'est papa qui s'en va, Gania. Il faut l'empêcher d'abandonner la maison. Cours lui demander pardon. Jamais de la vie, c'est un ivrogne et un voleur. C'est à cause de lui. Mais non, il faut absolument le retenir. Ce nouveau scandale te sera néfaste. Aglaé Ivanovna ne comprendra pas ce départ. Il ne voudra pas de toi. Tu as raison, je cours. Je lui ferai réintégrer la maison de gré ou de force. Attends, Gania, je vais avec toi. Oui. Mais le général Ivolgin était déjà dans la rue. Kolia traînait son sac derrière lui. Madame Ivolgin, en larmes, se tenait sur le perron. Elle avait voulu suivre son mari, mais petite Zine l'avait retenue. Non, Nina Alexandrovna, restez tranquille. Le général n'ira pas loin. D'ailleurs, où voulez-vous qu'il aille? Kolia le ramènera d'ici une demi-heure. Trêve de plaisanterie! Revenez, père! Vous êtes ridicule! Revenez, vous dis-je, vous compromettez mon avenir! Revenez, je vous en supplie! Votre départ, c'est un coup terrible pour Gagne! Oh, les voisins vous regardent! Malédiction sur cette maison! C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Ginette Taffin Aglaé, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Jean Lemaître Tzibzin, René Ferral Hippolyte, Roger Montaud, le général Ivolgin, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.